الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Sachez que chaque communauté et chaque peuple se tente de ces grands personnages et aime entendre leur récit afin de prendre l'exemple sur eux et de les aimer encore plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne sera ressuscitée avec ce qu'elle aime, par un muslim. Et chaque compagnon a un bien fait dans le sourire. Il faut savoir que chaque bien dans lequel nous sommes, que cela soit la science, l'adoration ou la réussite, c'est grâce à la bénédiction des compagnons, radiallahu anhum et de leurs âmes. Ils ont transmis la religion, ils ont combattu dans le sens de l'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont les personnes les plus importantes dans les autres, en intelligence, en science et dans l'application de la religion musulmane. Et ils font partie de l'exemple à suivre. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a dit: celui qui le suit, il suit ceux qui sont morts, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le vivant n'est pas le vivant de la descente. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient ceux qui avaient le cœur le plus pur, la science la plus profonde, et ne se donnaient pas les charges qu'ils ne pouvaient supporter. C'est des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour appliquer sa religion. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit: les compagnons sont au-dessus de nous, que cela soit dans la science, dans l'application de la religion ou dans la guidée. Ils sont au-dessus de nous dans toutes les causes par lesquelles on atteint la science et la guidée, et leur a dit: meilleur que nous que notre compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des compagnons et nous entendons qu'il est satisfait d'eux et qu'il les a habillés. Qui leur a préparé des bienfaits énormes. Allah Azza wa Jalla a dit: les tout premiers croyants parmi les émigrés, ceux qui ont émigré de Mecca à Médine, et les Ansar, la victoire de Médine, et ceux qui les ont suivis dans le bon comportement, c'est-à-dire dans l'application de la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Allah les a guéris, et il a guéri, il a préparé pour nous des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà le grand succès. Chacun d'entre eux avait un effort ou autre qui doit être reconnu à sa juste valeur. Chacun d'entre eux a laissé une trace indélébile et bénéfique à l'islam. Le fait de s'arrêter à leur récit et leur biographie délivre les cœurs. Et au moment de la foi et dans leur suivi, il y a la réussite. Et dans le fait de connaître leur vie, il y a une exhortation pour nous de suivre leur exemple dans leur œuvre de caractère et leurs attributs. Ibn Jawzi, rahimahullah, a dit: les célèbres et les plus prédécesseurs apprenaient à leurs enfants les mêmes adorables ou aromates comme ils leur apprenaient le Coran du Coran. Et sachez que le meilleur des compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, est celui qui se précipitait le plus souvent de l'action, et Abdullah, fils de Hafnal, fils de Amr, de la tribu de Quraysh, lui connu sous le nom d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Il avait un droit élevé auprès des attributs, et les gens l'aimaient beaucoup de par sa science, sa raison, sa bienveillance. Et quand l'islam fut révélé, il se précipita à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rendu véridique le message du prophète alayhi wa sallam. Et peu importe la situation, jamais on ne le dit ni ne vit une mauvaise chose de lui. Toute la communauté est d'accord pour appeler à ce titre le véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand je suis venu, j'ai dit aux gens: je suis le messager d'Allah, envoyé pour vous tous. Vous m'avez tous répondu, tu m'en fous. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu doit dire: tu es véridique, Allah nous comprend. Quand il fut invité à l'islam, il n'a ni que dit ni tranché, mais au contraire, il fut le premier homme à croire au prophète, alayhi salatu wa salam. Abu Bakr radhiyallahu anhu est une personne d'une importance énorme, et il a une place élevée. Il était comme le ministre de son mère, Aïcha radhiyallahu anha. Il était blanc de peau, maigre, il avait peu de poils au niveau des joues. Il avait le front courbé, les yeux enfoncés, le front pour éminent, le monde des mains déchargées. C'était un homme faible, miséricordieux, doux, compatissant, généreux. Il a défendu l'islam avec force et vigueur, et il porta secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier calife, le successeur du prophète Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier ami, on a aussi le paradis parmi les dix qui sont promis. Il était d'une pudeur sans pareil, et il avait une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala inné l'ami. Il était noble avec son argent, sa lignée et son comportement. Il n'a jamais vu quelqu'un de mal avant l'islam, et ceci car il avait laissé de nature. Et il n'a jamais adoré un âme de statue dans la vie, même avant l'islam, au contraire, il ne supportait pas que les gens viennent de leur goût. Un culte. Il ne supportait pas les gens à droite de sa vie. On ne rapporte de lui aucun mensonge, mais il était plutôt véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Il est le premier à avoir invité à la religion d'Allah, sans dégoûter sa fille de paradis en Égypte pour aider les commis qui se sont convertis dans sa cause, Uthman, wa Talha, wa Sa'd, wa Zubayr, wa Abdurrahman ibn Awf. Il fut le premier après le prophète sallallahu alayhi wa sallam à être persécuté dans le sang d'Allah, à tel point qu'il fut obligé de sortir de la mer dans des milieux en Abyssinie, où il jeta de la mer sur la tête, mais malgré cela, il passe encore. Il était au sommet de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut son compagnon du début de la prophétie à sa mort, jusqu'à la mort du messager d'Allah, Azza wa Jal. Il était le parfait compagnon du prophète. Personne ne lui était égal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément sa compagnie. Il aimait grave en Médine tout seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il resta seul à surveiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de la balle de Badr. Son argent est béni, il commerce et mange de ses propres gains. Ses dépenses sont meilleures que les dépenses des autres compagnies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aucun bien ne m'a été plus bénéfique que l'argent d'Abu Bakr. Il dépensa toute sa fortune dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar rapporte et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, nous ordonna de donner des aumônes. Et cela prenait bien, puisque j'avais mis de l'argent de côté pour cette occasion. Et j'ai dit, si je dois dépenser un jour en Bakr, dans le bien, eh bien ce sera aujourd'hui. J'ai ramené la moitié de ma fortune au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit, Ya Omar, t'as-tu laissé à ta famille? Je lui répondis la même chose, c'est-à-dire qu'il a laissé la moitié de sa fortune à sa famille et l'autre moitié, il l'a donné au monde. A vous voir, radiallahu anhu arriva et donna tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait. Il a mis toute sa fortune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, oh Abu Bakr, t'as-tu laissé à ta famille? Abu Bakr radiallahu anhu arriva et dit, je l'ai laissé à Allah et son prophète. Omar dit alors, jamais je ne vais te recevoir encore ce soir. Abu Bakr. Radiallahu anhu, a pris un honorable, jamais il ne demanda à une fratrie d'une chose de cette vie d'ici-bas. Si ça travaille son air, il ne demandait pas à quelqu'un de le ramasser. Mais il le faisait seul et disait, mon ami Adjim, ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a ordonné de ne rien demander aux gens. Alors, Ahmed, il a la fois la plus ferme et la plus complète de cette communauté. Personne ne parle alors de Dieu, de quoi il s'est acquis qu'il y avait dans son cœur. On peut dire sa foi et qu'on la mette dans une balance. Et dans notre balance, on met la foi de toute la communauté musulmane, sans compter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La foi de Abu Bakr aurait pu pencher la balance. C'est le plus savant des compagnons, le plus savant de cette communauté, le plus intelligent. Il jugeait les données des données juridiques en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a prouvé cela? Personne d'autre que vous ne pouvez pas cela avec un compagnon. Alors que Omar Ma'an connaissait son rang. Abu Sa'id ibn Khidri, rendu le rang Ma'an Ma'an. Abu Bakr était le plus savant d'entre nous. À son époque, il n'y a pas eu de divergence dans la communauté. Donc il éprouvait la solution. Il expliqua à Ibn Khidri ça aux compagnons. Rendu le rang Ma'an Ma'an Ma'an Prophète. Il les a rappelés dans la foi après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a également l'enterré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demandait souvent de le remplacer pour guider la prière, qui est quand même le deuxième pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda aussi de guider le premier pèlerinage qui fut effectué à partir de Médine. Chef de l'islam, la commande a dit la science des rituels du pèlerinage sont les plus compliqués dans les adorations. Il n'y a pas plus compliqué dans les adorations, et si Abu Bakr, radiallahu anhu, n'avait pas de science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait pas compris cette responsabilité. Et aussi, il n'est pas venu à tout le monde qui divergeait des sacrés du Coran et de la Sunna. Il n'est pas venu de lui qui se soit trompé dans la religion. Et les paroles qui divergent de celles d'Abu Bakr après sa mort, les paroles d'Abu Bakr sont plus authentiques. Toute sa vie, il l'a passé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est sorti de Médine que pour faire le hajj, le Umrah ou le Hajj. Il était le plus âgé de ce qu'on a dans la vie de tous les jours. L'argent qu'il a massacré, il le dépensait dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha a dit, quand mon père est mort, il a été mis à l'imamé à Dina. Il est le digne de confiance de cette communauté. Il était le scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et écrivait la révélation qui était descendue sur la meilleure littérature. Il était d'un courage sans équivalent chez les compagnons. Il n'y avait pas plus téméraire que lui, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Islam a dit, Abu Bakr avait le cœur le plus ferme. parmi les compagnons, personne n'a pu la sortir. Il est en aucun cas connu comme ayant eu peur de combattre les ennemis. Abu Bakr, roi de Wahyu, marchait en tête lors des combats. Il protégeait le prophète de Wahyu, mais c'est un de plus important personne, seul lors de la bataille de Wahyu. Il fut ferme lors de la bataille de Wahyu, et je vous le connais, il ne prie pas la vie pour les musulmans et les démons. Il dit de sa propre personne, après la nuit, je suis passé dans la grotte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus jamais une prière dévoilée dans mon cœur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ma tristesse, il me dit cachez Abu Bakr, cachez Abu Bakr, n'aie crainte, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour qu'il garante d'avoir la chose qu'il fait. Lors de l'événement, les gens au moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prononcent des paroles claires, ils sont dignes d'être gravés avec de l'or. Il dit aux gens, les païens sont dit par cet événement, celui qui a donné Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'Allah azza wa jalla est vivant et qu'il ne meurt jamais. Aïe sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, on parle de Moussa nous disons comme des renards armés, il n'a cessé de nous encourager jusqu'à ce que nous soyons devenus comme des lions sûrs de nous. Il dira je suis dirigeant de cette communauté. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une justesse, équité et sagesse, il applique à l'islam, il reprit entrer les gens dans la religion par la même porte de par laquelle ils étaient sortis et se marier au monde de l'État des frontières. Il avait la vie de conseil le plus juste parmi les compagnons. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait conseil à ses compagnons, la première personne qui parlait était Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué son avis dans les décisions importantes. Et si les autres divergent d'Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam suivait quand même son avis, comme lors de la bataille de Badr et lors de la constellation de l'Hudaybiyah. Omar radiallahu anhu également demande un conseil lors du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceux qui trouvent sa grande intelligence et son conseil parfait, et que parmi les compagnons, il est le seul dont le père, la mère, les enfants de ses enfants se sont convertis à l'islam et ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh l'islam rahimahullah a dit, la famille d'Abu Bakr sont des gens de foi, il n'y a pas un peuple hypocrite. Et ceci était spécifique à sa famille, et on disait qu'il y a des familles connues pour leur foi, et des familles connues pour leur niveau physique, et la famille de Bakr est une famille de foi. Et c'est de cette famille en plus de foi et de certitude qu'est sortie Aïcha radiallahu anha. Et elle fut éduquée par son père au bénédicte. Abu Bakr radiallahu anhu se levait la nuit pour prier, qu'il dépensait dans le sens d'Allah subhanahu wa ta'ala sa sainteté, et qu'on va désormais vivre. Et malgré cela, quand il disait le Coran, les gens n'entendaient même pas sa lecture, tellement ils pleuraient. Il était le premier à se presser quitter une bonne nation. En une journée, il jeûna, il suivit une jeûne à une flèche funèbre. Il visita un malade et donna un logis à bord. Et si ses caractéristiques sont réunies, ses gens séchés dans cela, il le rentre au paradis. Abu Bakr était le plus éloquent des gens. Il prêchait en présence et en absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a guéri les méditations des autres tribus et peuples en attendant le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais il ne dit du cœur au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam les met énormément. Ahmed ibn Amr radiallahu anhu a dit : j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aime le plus. Il dit Aïcha. Je lui dis parmi les hommes, Abu Bakr. Je lui dis ensuite qui aime le plus après Abu Bakr. Il dit Omar radiallahu anhu a dit : le prophète sallallahu alayhi wa sallam le visitait aux deux extrémités du jour. Il aimait la sa compagnie et il disait de lui : mon frère, mon compagnon. Aïcha radiallahu anha a dit, je ne me rappelle pas que mes parents aient pratiqué une autre religion que l'islam. Et il n'y avait pas un jour sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne me rende visite matin et après-midi. Il lui apprenait la science, la religion et tout ce qui était bénéfique aux musulmans. Comment cela, comment après cela, nous ne pouvons pas aimer Abu Bakr radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de lui, quel homme honorable, quel Abu Bakr radiallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, petit compatissant et tout avec lui, quand il a vu son chagrin et sa tristesse dans la grotte, il lui dit ne t'afflige pas, Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Il se maria avec sa fille Aïcha, qui était son épouse préférée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis sur ses genoux et dans sa chambre. Et Aïcha était une femme d'élite, fille du véridique de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ressemblait à un bâle dans son attachement à Allah, arrive à la mort. Et Aïcha, et c'est celui qui éloge sur la terre personne. Ne peut la concurrence, ne peut le concurrencer dans la muslim. Abu Bakr réconfortait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa personne et son argent. Et il donna ses biens au prophète pour la victoire de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne qui nous ait venu en aide sans que nous l'ayons rétribué ici-bas. صوت أبو بكر إن زايدي يالله سبحانه وتعالى لغاية مجرار حرمات لجوك العبية الحسين رواه الترمذي C'est présent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Abu Bakr est au paradis. Ce sera le premier après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier après le prophète alayhi wa sallam entre au paradis, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à toi, ya Abu Bakr, tu seras le premier entre au paradis. On y va communauté à Abu Dawud. Et sera pris au paradis par la force de la prière, du djihad, de l'aumône et du chef, les compagnons, Rabbi Allah, les deux équipes. Rabbi Allah, Rabbi Allah, a dit Allah, il lui donne pas que sa journée, son lieu de l'aumône et toute la famille de l'Ottawa. Et il disait à beaucoup de plus la maison de l'Ottawa et de l'Ottawa. Le Romain Rabbi Allah a dit à l'époque du prophète, sur le Romain Rabbi Allah, il n'y avait pas d'équivalent à Abu Bakr, la Rabbi Allah. Et par amour pour lui, certains compagnons, Rabbi Allah, ont appelé leur enfant de son nom, tout comme Ali, qui appelait un de ses fils, Abu Bakr, et l'autre, Romain. Ceci était certaine caractéristique du meilleur des hommes, après les prophètes et les messagers. Abu Bakr, lequel il vient guider le successeur de la meilleure des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il est parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux n'ont atteint leur fin, car ils sont morts, et d'autres comme encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement qu'ils ont pris envers Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى على خير البريه واسر البشريه فقد امركم الله بذلك فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فقال اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وابن نمير عثمان وأبي السبطين علي وعن آل بيت نبيك الطيبين الطاهرين وعن أزواجه العلماء المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وعنا معهم بمنك وكرمك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك على الدين، اللهم هيئ لهذه الأمة رجالا من أمثال تلك القدوات الصالحة، اللهم هيئ لهذه الأمة رجالا من أمثال تلك القدوات الصالحة. يا رب العالمين اللهم اذهب القسوة عن قلوبنا وانفعنا بسيرة سلفنا وارزقنا الاستقامة على الدين والدعوة إليه حتى الممات اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم لا تجعل دنيا بنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبة في ديننا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واجعل ما اصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات انك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا مطلع من ذلك ربنا اجعلنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاتقوا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون